Dossier 5. Livre page 59. Question A. Quatre touristes français parlent de leur visite en Syrie. 1. J'ai eu la chance de visiter la Syrie. C'est un beau pays. J'ai admiré la citadelle de Saint-Simon, située au nord-ouest d'Alep. Là, il y a une belle église. 2. J'ai eu l'occasion de visiter les norias, situées au bord de la rivière l'Oronte. Ce sont les plus célèbres norias au monde. 3. J'ai bien aimé l'amphithéâtre de Bosra, qui se trouve au sud de la Syrie, près de Daraa. C'est un grand théâtre romain. 4. J'étais chanceux de visiter Ras Safa. C'est un site archéologique qui se situe au sud-est de Raqqa. C'est vraiment un paradis au centre de la Syrie.